Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Et oui, comme vous l'avez compris, pour ceux qui m'écoutent sur le 107, bonjour. Mais il y a aussi ceux, il ne faut pas les oublier, qui nous écoutent via le web, via notre site radiogémozo.eu ou par l'application pour smartphone Radio Line. Pour cette émission, forcément, vous le savez, on est vendredi et qui dit vendredi dit billet de sortie, florilège, comme d'habitude. D'annonces d'événements à venir dans le secteur pour le week-end de préférence et un petit peu pour la semaine avec quelques interviews, deux pour l'émission présente et des musiques choisies avec soin pour vous en espérant qu'elles vous plaisent. Si d'ailleurs quelqu'un m'écoute et a un événement à nous transmettre, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail contact@radiogemozo.eu avec comme objet du mail billet de sortie et on se chargera avec plaisir de transmettre votre événement. Si d'ailleurs vous n'avez peut-être pas d'événement à transmettre mais envie simplement nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook ou Internet, simplement, et de cliquer sur l'onglet Hello Asso. Un petit don, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Comme je le disais, qui dit vendredi dit billet de sortie. Alors on va commencer, vous le savez, avec de la musique. On va commencer avec Leila Ulisund. Pour le morceau Caracol et on se retrouve tout de suite après. Mort de la vie sont la blessée. Il te préfère libre qu'à lui. Crois bien qu'il y a pensé. Quand on a fait autant de vie, on n'a pas besoin d'en posséder. Et vous venez d'entendre le morceau Caracol de Leïla Huissou et ce billet de sortie peut commencer avec la rubrique un petit peu autre utilitaire et on va débuter avec une collecte de sang. La collecte de sang va commencer le samedi 3 novembre à la salle du relais de la cité à Bruyères de 8h à midi et de 15h à 18h30. Puis lundi 5 novembre à la salle des fêtes de Beauregard à Raon-l'Étape de 16h à 19h30. Encore lundi 5 novembre à la salle des fêtes de Corcieux de 16h à 19h30. Toujours et enfin lundi 5 novembre à Saint-Dié-des-Vosges, cette fois à la salle Carbonard de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30. Et la semaine va se clôturer avec le vendredi 9 novembre, collecte de sang toujours à la salle des fêtes de Bain-les-Bains de 16h à 19h30. On l'avait déjà annoncé la semaine dernière, mais on va le réannoncer. L'association Anime Tio organise un loto qui a lieu ce week-end. Alors je vous laisse l'interview que j'ai faite et on se retrouve juste après. Et on retrouve Michel Viaume de l'anime Tio qui, après son vide-grenier du 30 septembre, nous propose un super loto le samedi 3 novembre. Bonjour Michel. Bonjour Lou, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors Michel, que pouvez-vous nous dire sur ce loto du 3 novembre ? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur le vide-grenier parce que j'avais eu l'occasion d'en parler à votre émission. Pour dire simplement qu'il s'est super bien passé, nous avons eu un temps super, beaucoup d'exposants, beaucoup de visiteurs, tout le monde était ravi, et donc, et bien évidemment, l'association en premier et moi également. Voilà, donc je vais maintenant vous parler un petit peu du super loto qu'on va organiser donc le samedi 3 novembre. Oui. Il se déroulera à partir de 20h. Donc à la médiathèque du Tio. Donc la médiathèque du Tio à partir de 20h. On ouvrira les portes à 18h30 pour que tout le monde ait le temps d'acheter tranquillement ses cartons, de s'installer, éventuellement de boire un petit coup et de manger un petit morceau, une petite pâtisserie, avant de démarrer les tirages. Et ensuite, en parlant de ça, il y a peut-être un billet d'entrée ou une réservation à payer pour avoir des cartons, non ? Alors les cartons seront au choix, hein, c'est-à-dire que les prix, donc c'est 4€ le carton, 11€ les 3, 20€ les 6. C'est des prix qui se pratiquent très très couramment et les gens achètent bien évidemment ce qu'ils souhaitent acheter. L'entrée est libre, mais après les gens prennent des cartons en fonction de leur budget et de leurs envies. Et en parlant d'envie et en parlant de loto aussi, forcément, il y a des lots à gagner. Quels seraient ces lots qui pourraient peut-être attirer nos auditeurs ? Alors, les lots à gagner, donc le premier lot, c'est un bon pour voyage au choix de la gagnante et du gagnant. Hein, ils seront libres d'aller où ils veulent. C'est un bon d'une valeur de 750€, ce qui permet déjà de faire un bon voyage. Voilà. Ensuite, il y a de nombreux autres lots de valeur. Un téléviseur grand écran de 125 cm, donc c'est déjà un grand téléviseur, une tablette de 10 pouces, un certain nombre de bons d'achat, hein, parce que j'ai voulu qu'on me donne des bons d'achat pour ceux qui gagnent, qui puissent donner un petit coup de pouce à la veille des fêtes, donc des bons d'achat qui vont de 30 à 150€. Et de nombreux autres lots parce que les commerçants du tuyau ont été particulièrement généreux, ce qui va nous permettre de compléter toutes ces lignes avec des lots divers et variés. Voilà donc des lots très intéressants et dont le premier lot a quand même une valeur de 750€. Donc ça, c'est quand même pour les différents lots, c'est pas négligeable. Et oui, on a parlé de l'eau, on a parlé forcément d'argent qui va revenir à l'anime du tuyau. Est-ce qu'il y a une cause en particulier aussi pour laquelle l'anime milite pour ce loto? Alors pour ce loto, non, c'est fait partie des trois ou quatre on va dire, animations qu'on mène dans l'année, qui sont un petit peu des animations qui font rentrer un peu d'argent dans les caisses d'Anime Tio, qui va les dépenser dans la foulée, parce que dans la foulée, on aura le Saint-Nicolas, et là, donc, bien évidemment, tout est gratuit, que ce soit le spectacle pour les enfants, les groupes de musique qu'on invite, les friandises qui seront distribuées aux enfants, donc tout ça nous coûte de l'argent, donc c'est gratuit, donc on le restitue essentiellement aux enfants et à la population du Tio, et également au profit du Téléthon, où l'association paye les matières premières qui vont permettre d'offrir au profit du Téléthon des boissons chaudes, vin chaud, chocolat, café, et des marrons chauds pour les amateurs. Et donc tout le chiffre d'affaires de cette buvette qu'on organise au niveau de la Saint-Nicolas est reversé intégralement au profit du Téléthon. Il y aura d'autres animations, mais au début de l'année prochaine, comme un peu tous les ans, une chasse aux œufs qui est entièrement gratuite. On distribue des œufs aux enfants. Et donc, voilà. Donc, c'est toutes ces manifestations, bien évidemment, après deviennent gratuites parce qu'on a pu un petit peu engranger quelques mini-monnaies au courant de l'année. Et oui, en effet, vous avez parlé de animations du 3 novembre qui forcément vont impacter les animations suivantes. Quelles seraient les animations à venir après de l'Anime Tio qu'on peut annoncer par avance mais qu'on réannoncera par la suite? Alors la Saint-Nicolas qui se déroulera le samedi, on va dire à partir de 16h, qui sera donc le samedi 8 décembre, la Saint-Nicolas donc au Tio, avec une partie spectacle pour les enfants, accueil du Saint-Nicolas, défilé pour aller rendre une petite visite à nos anciens, puis distribution des friandises, et puis donc la buvette spécifique pour le Téléthon. Ensuite, on se reposera un petit peu et on redémarrera les activités en début d'année, probablement au mois d'avril. On a un projet en gestation autour d'un hommage à Charles Aznavour et à quelques chanteurs disparus. Puis, donc, d'autres animations, à Pâques, la distribution des friandises pour les œufs de Pâques. Voilà. Ensuite, un certain nombre de choses. Et notre activité phare, l'activité phare d'Anime Tio, qui est la foire aux beignets, et qui se déroulera le dimanche 2 juin 2019, que nous sommes déjà en train de préparer. Et bien, la fête tout de la musique, oui. Le 15 août, etc., etc. Voilà. Tout un programme bien rodé, en effet. Voilà. Bon, on a un nouveau... on peut-être pas aller jusqu'au bout, enfin, le 15 août, après, de nouveau un vide-grenier, un trail. Nous associons avec des responsables... de l'athlétisme pour organiser le trail des mines au mois d'octobre l'année prochaine, etc., etc. Voilà. Donc voilà, toute une mécanique bien rodée. On voit bien qu'Anime Tio travaille vraiment très très dur pour tout au long de l'année proposer des animations aux personnes vivant sur le secteur du Tio. Hein. Ça se résume pas que à le Tio. Non, voilà. On invite tout le monde à venir nous voir. Ben, je pense que c'est la dernière chose qu'il suffira de dire. En fait, on invite simplement les auditeurs à se rendre samedi 3 novembre au soir, donc dès 18h30, à la médiathèque du Tio pour le Super Loto. N'est-ce pas, Michel? Alors, je veux juste rajouter, donc, il est prudent de réserver. Oui. Pour ce loto. En plus, bon, par réservation, on offrira un carton gratuit, donc pour les réservations, par tranche de 6 cartons. C'est-à-dire la personne vient, elle achète 6 cartons, elle a réservé, on lui offre un carton gratuit. Donc ce serait bien de réserver au plus tôt, ça nous permet, nous, de mieux gérer donc l'installation et donc favoriser l'accueil, un bon accueil, et ça, si plutôt on réserve, plutôt on soit sûr d'avoir la place. Voilà. Donc si on peut réserver auprès de moi-même, alors, oui. Le numéro de téléphone, le 06 78 95 09 37, je le répète pour les gens qui étaient partis chercher un petit calepin et un stylo, 06 78 95 09 37. Voilà. Donc je pense que c'est tout noté, Michel. Merci beaucoup pour toutes vos informations et bon courage pour ce super loto du 3 novembre. Eh bien, merci à vous et à Radio Guenzo. Et puis, bonne soirée aux auditrices et auditeurs. Merci. Au revoir. Au revoir. Toujours dans les lotos d'ailleurs, la semaine suivante, donc dimanche 10 novembre, il y a un loto organisé par l'association Protect Réa, un loto qui débute à 20h à la médiathèque du Tillot. Il y aura des bons d'achat, de l'électroménager, un téléviseur, un voyage et bon nombre de lots qui seront à gagner et les bénéfices iront à l'association qui organise ce loto, donc Protect Réa, qui agit en faveur de la protection animale et qui lutte contre l'abandon. Les renseignements et les réservations se font au 06 95 25 86 53, je répète, 06 95 25 86 53. Il y aura une bourse aux jouets qui aura lieu le week-end du 4 novembre 2018 à la salle polyvalente de Saint-Amé. Il s'agit d'un dépôt-vente dans une surface de 700 m² qui sera organisé comme un magasin de jouets qui sera ouvert aux acheteurs le dimanche 4 novembre de 9h à midi et de 14h à 17h. Le dépôt de jouets aura lieu samedi 3 novembre de 14h à 18h et dimanche de 9h à midi. Je ne vais pas vous préciser les tarifs pour les vendeurs qui est d'environ 3 € pour 25 jouets, mais la restitution des jouets et des gains aux vendeurs aura lieu le dimanche 4 novembre à 18h à 18h30. Les bénéfices iront d'ailleurs à aider à financer les divers matériels et sorties culturelles des écoles maternelles et primaires de Saint-Amé. Et avant de s'écouter une dernière musique, hein, on va faire un petit fourre-tout concernant Gérard May, à commencer par une petite rubrique cinéma pour le samedi 3 novembre à 10h. Hein, c'est une rencontre avec le Portugal, la musique Lusof, projection de deux films documentaires à la médiathèque du Tilleul. Puis exposition dès le 6 novembre jusqu'au 30 avril 2019, hein, Le Petit Chaperon Rouge, réalisé par l'atelier de la main créatrice à la médiathèque du Tilleul, et l'entrée est libre. Toujours à Gérard May dans la rubrique théâtre, cette fois le mardi 6 novembre, à 20h30, il y a Les Amis de la scène qui présentent Une famille résistante ou pas, une comédie écrite par Benoît Ruher à la salle Jeanne d'Arc. Le tarif est de 8 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et enfin, toujours dans le théâtre, mercredi 7 novembre à 18h, toujours à Gérard May, une rencontre avec le Portugal, c'est un apéro théâtre, héroïne portugaise à la médiathèque du Tilleul. Et voilà, en ce qui concerne Gérard May et aussi cette première rubrique, on va s'écouter un deuxième morceau, il s'agit de Je ne sais pas d'Evelyne Gallet et on se retrouve juste après. Je ne crois pas que l'on puisse rire de moi, que je me mets vite en émoi. Je ne crois pas non plus que l'on puisse me taxer d'être une vierge effarouchée. Parler crûment ne m'a jamais bien effrayée. Déjà enfant, je jurais comme un charretier. J'ai la langue fleurie et je m'exprime librement, tout du moins la plupart du temps. Car ça me gêne, ça me peine, je ne sais pas dire je t'aime. Les mots se planquent, le courage me manque. Je ne sais pas, je ne sais pas. On ne me reproche pas souvent l'hypocrisie, plutôt zéro diplomatie. Si je vais au théâtre voir sa pièce, un ami ne me demandera pas mon avis. Sur le choix du prénom, une copine qui vient d'être mère se passera de mon commentaire. C'est plus fort que moi dès que je ne suis pas seule. Ben il faut que j'ouvre ma gueule. Pourtant, ça me gêne, ça me peine. Je ne sais pas dire je t'aime. Les mots se planquent, le courage me manque. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils savent bien qu'après une biture, ben il vaut mieux qu'ils me censurent. Leur homme arrangé n'arrange en rien mon naturel un peu païen. Quand je suis sous, j'ai un côté envahissant. Je braille comme un môme, interpelle les passants. Il faut le reconnaître, je suis assez balèze pour créer un certain malaise. Pourtant, ça me gêne, ça me peine. Je ne sais pas dire je t'aime. Les mots se planquent, le courage me manque. Je ne sais pas, je ne sais pas. Un garçon qui me plaît me regarde avec insistance, me tend la main et me susurre des mots doux. Là je ne sais plus rien dire du tout et m'enferme dans ce silence. Je veux appeler ma mère, les services de secours. Donnez-moi des mots d'amour. Mais je me ridiculise avec une blague pourrie et à toutes jambes je m'enfuis. Ça me gêne, ça me peine. Je ne sais pas dire je t'aime. Les mots se planquent, le courage me manque. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et c'était Evelyne Gallet pour son morceau « Je ne sais pas ». Et on continue ce billet de sortie avec la rubrique culture. Cette fois, on va débuter avec des expositions à la Maison de la Bresse. C'est une histoire de poule faisane, un chassé-croisé d'envol déplumé sur fond de vaisselle cassée et de verre ébréché où flottent les ombres des funambules qui tintinabulent et pourtant, elles planent. Donc c'est à la Maison de la Bresse, je disais, cette exposition qui s'intitule « Cette part d'oiseau qui est en nous » de Claude Semelet, avec en parallèle l'exposition des statues en papier mâché et en toile de collage d'Elisabeth Dumoulin. L'entrée est intégralement libre et les horaires de la Maison de la Bresse sont le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h et du lundi au vendredi de 15h à 18h. Comme on en est aux expositions, on va reparler à nouveau de l'exposition « Peindre la nuit » qui a lieu au Centre Pompidou de Metz, qui a débuté le 13 octobre et qui s'achève le 15 avril 2019. Donc c'est à découvrir hein, au Centre Pompidou de Metz des sources d'inspiration majeures de l'histoire de l'art. La nuit continue de fasciner les artistes au XXe et XXIe siècle, Francis Bacon, Louise Bourgeois, Max Ernst, Claude Monet, Pablo Picasso ou Gerhard Richter. Plus d'un thème, la nuit est un environnement propice à l'imagination des peintres et au vertige. C'est fermé le mardi et le 1er mai, sinon du lundi au mercredi ou même du mercredi au lundi, c'est ouvert de 10h à 18h. Et le vendredi, samedi et dimanche, c'est ouvert le Centre Pompidou de Metz de 10h à 19h. Et voilà, ça c'est pour l'exposition « Peindre la nuit » au Centre Pompidou de Metz. On avait parlé de théâtre, hein. Il s'agit cette fois de la pièce « Pyjama pour 6 ». Alors pour vous rappeler un petit peu la petite histoire, hein, c'est pour ne pas laisser seul le jour de son anniversaire sa maîtresse, hein, Eric invite sa maîtresse Natacha dans sa maison de campagne. Pour justifier cette présence que sa femme pourrait trouver bizarre, il propose en même temps à son ami Raoul de venir passer le week-end, à charge pour lui de faire passer Natacha pour sa propre maîtresse. Ce qu'Eric ignore, c'est que Raoul est l'amant de sa femme et que cette dernière a engagé une aide ménagère qui se prénomme également Natacha. Si vous voulez voir cette pièce, hein, c'est toujours possible. Donc ce vendredi 2 novembre à 20h30, le samedi 3 novembre à 20h30 et le dimanche 4 novembre à 15h au Centre culturel Gilbert Zoug. Et le prix d'entrée est de 8 euros. Donc voilà pour ceux que ça intéresse, pyjama pour 6. Et on va clôturer cette rubrique culturelle exposition avec un festival, le festival Ainsi font, marionnettes et théâtre d'objets qui a lieu du 7 au 30 novembre à Neuchâtel. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce qu'il y a déjà une exposition qui débute donc dès le 7 novembre, exposition de Marie-Laure Desboîtes. Bon, le vernissage a lieu le 16 novembre à 18h30, donc là vous avez le temps, mais pour vous dire un petit peu ce qui va se passer dans cette exposition, hein. Pour ce festival, hein, c'est la compagnie Elitrop Théâtre et la communauté des communes de l'Ouest Vosgien qui organisent pour la quatrième année le festival Ainsi font, marionnettes et théâtre d'objets au Trait d'Union, espace culturel François Mitterrand à Neuchâtel. Et je disais, pour l'exposition, hein, Marie-Laure vous invite à découvrir la richesse et la diversité des arts de la marionnette en Lorraine. 12 compagnies ont transposé leur univers dans un espace restreint, celui d'une boîte qui devient alors l'expression d'une sensibilité et d'une esthétique unique. Cette exposition est un panorama ludique et surprenant, ouvert sur le foisonnement de la marionnette telle qu'elle se pratique aujourd'hui en Lorraine. Figurines, objets, ombres, bricolage, animés, marionnettes, je vous encourage à faire un tour au centre Trait d'Union à Neuchâtel pour le festival Ainsi font. Et cette rubrique se clôture déjà, donc on va s'écouter un troisième morceau. Il s'agit de To the Stars de John Universe que j'ai déjà reçu et que j'ai beaucoup aimé. Alors je vous emporte avec moi dans ce petit air de nostalgie et on se retrouve juste après. I said I won't go. Nothing changed till now. I said I won't go. Nothing changed till now. I said c'était To The Stars du groupe John Universe et on continue ce billet de sortie avec la petite rubrique Rassemblement. Et oui, nous voulons des Scoclicos organisent une action citoyenne le samedi 3 novembre de 14h à 16h sur le parking de la plus grande surface d'Épinal Juxé. Je pense que vous savez très bien de laquelle je vous parle. Pourquoi cette action ? Eh bien, la campagne nationale pour demander l'interdiction d'utiliser des pesticides a dépassé les 300 000 signatures. Dans les Vosges, après leur succès à la foire de Pousset le dimanche 21 octobre, ils vous invitent, hein, les Coquelicots, à venir nombreuses et nombreux habillés en rouge, en blanc, avec des combinaisons d'apiculteurs ou pas, pour faire connaître l'appel des Coquelicots et expliquer aux personnes présentes le danger des pesticides en signant la pétition. En septembre 2018, un leader du commerce alimentaire s'est engagé à bannir notamment 100 substances controversées et à défendre les produits bons, sains et responsables dans son action intitulée Act of Food. C'est pourquoi il souhaite débattre et alerter les consommateurs sur l'urgence d'agir, pour arrêter l'empoisonnement de la terre, de l'eau, des plantes, des insectes, des oiseaux et par conséquent aussi de notre santé. Aujourd'hui, toute la population est affectée par ces produits répandus abondamment dans les champs et dans les campagnes. Il est grand temps de réagir pour trouver ensemble des solutions permettant à terme de se passer de ces produits. S'ils ne le font pas pour leur responsabilité, ils seront largement engagés dans ce que plusieurs scientifiques anticipent déjà comme une catastrophe sanitaire. L'action se veut festive, pacifique et déterminée. La durée totale de l'action est de 2 heures et le rendez-vous est devant l'entrée principale de la grande surface de Juxé dont je vous ai parlé juste avant. Venez avec votre coquelicot à la main et un gobelet dans l'autre. Deux tables sont prévues, l'une pour pétitionner, l'autre pour fabriquer des cotards de coquelicots. Ça va swinguer coquelicot à la boutonnière. Il y aura un coquelicot géant, des panneaux « Nous voulons des coquelicots » en carton, des instruments de musique, des chansons, du jus de pomme, des cris d'enfants, des sonnettes de vélo, des tambours et des casseroles. Jurez, ils vont s'amuser et faire du bruit. Invitez d'ailleurs votre voisine, votre coiffeur, votre cafetier, votre grand-mère, samedi 3 novembre 2018 de 14h à 18h sur le parking de la grande surface d'Épinal Juxé. Et c'est sans transition musicale cette fois qu'on va passer à la rubrique musique, à commencer par Le Complexe, l'artiste qui a encore plein de choses à vous faire vivre. Donc je vous laisse avec l'interview que j'ai fait avec Sébastien Godet et on se retrouve juste après. On retrouve Sébastien pour notre rendez-vous habituel pour en savoir plus sur la programmation du Complexe l'Artiste. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va ? Très bien, très bien. J'imagine que, comme d'habitude, le programme du Complexe l'Artiste est complet, a beaucoup de choses à proposer pour nos amis vosgiens. Oui, donc du coup, dès ce soir, on va faire un petit peu quelque chose de nouveau au Complexe l'Artiste. Ce soir, on propose un concert de rap, hip-hop et reggae, donc avec Cellule Géléon et Mauvaise Graine. C'est un concert payant à 3 euros. L'ouverture des portes se fait à 20h et à 21h, du coup, le début du concert. Ça, c'est pour aujourd'hui. Pour demain, il y aura un tribute de Deep Purple. Ça s'appelle Deep Inside et l'entrée à 5 euros. Toujours la même chose, donc l'ouverture des portes à 20h et à 21h, on commencera le concert. Pour ce week-end, ça sera tout. Nous serons fermés dimanche. Et on retrouvera donc mercredi prochain pour s'avancer un petit peu la soirée SBK, Salsa Bachata Kizomba, avec une entrée gratuite. Et enfin, jeudi, j'imagine, le karaoké. Jeudi, comme tous les jeudis, le karaoké à partir de 20h, avec une entrée gratuite. Et juste pour savoir que les auditeurs se préparent aussi, il se passera quelque chose vendredi prochain chez toi ? Alors, vendredi, on va recréer une nouvelle soirée. On ne sait encore pas tout à fait ce qu'on va mettre. Mais samedi, on sera sur un karaoké spécial années 80. Donc voilà, il faut bien penser aussi à réserver, parce que les réservations se font très vite. Et il n'y aura peut-être pas assez de place pour tout le monde. Tu peux peut-être rappeler le numéro ou le site internet pour réserver, pour oui, que les auditeurs aient peut-être le temps de choisir là où ils vont aller le week-end prochain. Alors pour réserver, c'est simple. Alors le numéro de téléphone, c'est le 06 84 24 20 60. Et donc le site internet, dans l'onglet réservation, donc c'est www.complexlartiste.com. Bon bah écoute, je ne sais pas si tu as d'autres informations à transmettre à nos auditeurs en attendant. Non, pas spécialement, on en redonnera un petit peu plus la semaine prochaine parce qu'il y a encore des gros événements à venir. Oui. Donc après toute la programmation est sur le Facebook. Comme d'habitude, qui sera bien entendu tagué avec le podcast de l'émission. Sébastien, je te remercie pour tes informations et à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Pour ceux que ça intéresse, la musique un petit peu plus classique, voire baroque, il y a un concert le samedi 3 novembre à 17h à l'église de Ventron. Au programme, Jean-Sébastien Bach, extrait arrangement de contrepoint de l'art de la fugue à l'orgue, clarinette et piano. Toujours Jean-Sébastien Bach pour le concerto BWV 1052 orgue et piano. Puis César Franck, extrait et arrangement du prélude, fugue et variation à l'orgue, clarinette et piano. Et enfin Johannes Brahms, sonate pour clarinette et piano en fa mineur, opus 120 numéro 1, clarinette et piano. Le programme du concert du samedi 3 novembre 2018 à 17h à l'église de Ventron a été élaboré par Marie Sévagen, Jean Sévagen et Thierry Perrin, musiciens professionnels issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et du Conservatoire National de Région de Nancy autour de chefs-d'œuvre du répertoire de la musique classique, traversant les époques et les styles en mélangeant des œuvres de Jean-Sébastien Bach, de César Franck et de Johannes Brahms. À cette occasion, les transcriptions ont été réalisées pour diverses formations originales, mêlant ainsi les sonorités de l'orgue, de la clarinette et du piano, et permettant entre autres d'entendre des œuvres concertantes comme le concerto BWV 1052 de Johann Sebastian Bach ou le nouvel orgue de chœur de l'église de Ventron qui sera mis à l'honneur en prenant la place d'orchestre. Ce concert permettra également de faire revivre le temps d'une soirée, l'âge d'or de la facture instrumentale française et de venir découvrir et écouter un magnifique piano Erdar du début du siècle. Et donc je le disais, concert, je le rappelle, le samedi 3 novembre à 17h à l'église de Ventron pour ceux que ça intéresse pour une soirée bien baroque. Et on va clôturer la rubrique musique et concert avec le programme de la Souris Verte qui a un seul événement, tiens, un nombre deux à venir. Donc le samedi 3 novembre à 20h30, ce sera une jam session, la 12e, une scène ouverte. Hein. Donc avis aux musiciens ou spectateurs curieux, la Souris Verte ouvre grand les portes de sa petite salle transformée en club et sa scène ouverte à tout musicien. Que ce soit en solo ou avec d'autres jammers, que vous soyez instrumentiste, chanteur, rappeur, slammer, scratcher, etc. Cette scène est faite pour vous. Toutes les envies, tous les mélanges sont possibles, toutes sortes d'envolées musicales sont les bienvenues. Deux musiciens, Fred Français et Rachid Vallas, sont présents pour animer la soirée et accompagner les artistes. Un ampli basse, un ampli guitare, un clavier ainsi qu'une batterie seront aussi disponibles sur place, mais attention, prévoyez vos instruments, câbles, médiators et autres baguettes. Rendez-vous sur scène, l'alchimie du moment fera le reste. Entrée gratuite pour cette 12e jam session le samedi 3 novembre à 20h30 dans la petite salle de la Souris Verte. Et autre concert, cette fois pour ceux qui aiment Miles Davis, George Harrison ou John Scofield, c'est le jeudi 8 novembre à 20h30, le groupe Robin Ford. Donc le guitariste que tous les grands s'arrachent, reconnu comme l'un des 100 meilleurs guitaristes du XXe siècle par le magazine américain Musician Robert Ford a entamé sa carrière en Californie dans les années 60 en créant le groupe familial Charles Ford Blues Band en hommage à son père. C'est avec ce groupe qu'il commence à développer son style en partant des racines du blues pour peu à peu évoluer vers le jazz, la fusion avec LA Express et même la pop. En marge de son impressionnant parcours en solo, il a accompagné des artistes tels que Joni Mitchell, Miles Davis, George Harrison ou Bob Dylan. Le dernier album de Robert Ford, Into the Sun, est sorti en mars 2015 et s'est directement hissé à la deuxième place du Billboard Blues Chart. Donc pour ceux que ça intéresse, Robert Ford sera le jeudi 8 novembre à 20h30 à la Souris Verte et les tarifs sont entre 26 et 8 euros. Donc 26 euros c'est le plein tarif, le premier tarif réduit de 23 euros, le deuxième tarif réduit est de 20 euros et pour les moins de 15 ans c'est de 8 euros. Donc allez faire un tour à la Souris Verte si ça vous tente pour écouter du blues et tout ce qui va avec, mais on va passer déjà tout doucement à la quatrième pause musicale. Il s'agit d'un morceau un petit peu plus électro, cette fois une découverte, le morceau Vampire Killer de The Magas, et on se retrouve juste après. Sarah just Et c'était Vampire Killer du groupe The Magaz. Vous êtes toujours dans le billet de sortie et on va continuer avec la rubrique conférence. À commencer par l'association AMI qui organise le jeudi 8 novembre le troisième opus de l'opération L'Art d'être une femme, qui cette fois-ci portera sur la création d'entreprises comme issue possible d'un parcours d'inclusion sociale. Cet opus aura plutôt la forme d'un salon où l'association AMI présentera les différents acteurs qui l'accompagnent, un porteur de projet de création d'entreprise avec des présentations tournées vers les points de vigilance liés à leur public comme vie professionnelle et vie personnelle, comment concilier les deux, les financements particuliers et porteurs de projets éloignés de l'emploi, et enfin des points plus personnels concernant par exemple la solitude du créateur d'entreprise et l'importance d'entrer en réseau. Des témoignages de créateurs d'entreprise parleront d'une expérience singulière et personnelle, la leur avec leurs mots et leurs ressentis. Donc ça c'est pour la conférence de l'association AMI, L'Art d'être une femme. Et pour en savoir plus, allez faire un tour sur leur page Facebook où on vous en dira un petit peu plus. Et dans le cycle 2018-2019 des conférences de l'UCP Nancy, l'Universitaire de la Culture Permanente, il y a tous les lundis, ou même dès lundi, à 14h45, je disais au Centre Culturel Gilbert Zog, des conférences. Le lundi 5 novembre, donc lundi qui vient à 14h45, sera une conférence intitulée « Le Maroc antique, visite archéologique de la Mauritanie, Tingitane, Volubilis, Lixus, Sala ». C'est une conférence donnée par Monsieur Jean-Pierre Faber, docteur en linguistique. Donc pour ceux que ça intéresse, rendez-vous au Centre culturel Gilbert Zog, lundi 5 novembre à 14h. Et on va déjà s'écouter un cinquième et avant-dernier morceau. D'ailleurs, je ne pensais pas que la rubrique serait aussi courte, mais bon, le morceau qu'on va s'écouter tout de suite, c'est My Name is Stain de Chaka Ponk. To the east, been My Name is Stain de Chaka Pong, c'est le morceau que vous avez écouté à l'instant. Et on va continuer et même terminer ce billet de sortie avec la dernière rubrique. Il s'agit d'une rubrique bien-être. Donc on va commencer avec un événement hein, que j'avais déjà annoncé dans mon émission, même la semaine, hein, j'en ai fait une émission. C'est le salon du bien-être, les sources du bien-être, qui a lieu ce week-end, hein, les 3 et 4 novembre, à la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Et donc, les portes seront ouvertes alors le samedi 3 de 14h à 20h et le dimanche 4 novembre de 9h à 18h. Il y aura buvette et restauration disponibles sur place. C'est un grand salon avec 32 intervenants, dont un mini-salon pour les jeunes enfants et différentes conférences tout au long de la journée. D'ailleurs, je me suis dit que ce serait bien de vous donner le programme des conférences, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Le samedi 3 novembre de 15h à 16h, il y a une conférence de diététique alimentaire avec Clélia D'Angelo. Puis de 16h à 17h, c'est une conférence plutôt naturopathie avec Claire Petit-Demange. 17h-18h, c'est de l'Access Bar avec Charlotte Scheyer ou sinon une énergéticienne, Patricia Baer, qui fera aussi une conférence sur sa discipline. De 18h à 19h, ce sera une conférence de neurosciences appliquées avec Hervé Sevrin. Et enfin, 19h-20h, c'est de la géobiophysique appliquée avec Hermé Schmitt, toujours le samedi 3 novembre. Et pour le dimanche 4 novembre, ce sera une conférence alors de 9h30 à 10h30 de la réflexologie avec Patricia Lecomte, puis 10h30, 11h30 de la communication non violente avec Vanessa Bargenet, de 15h à 16h de l'hypnose avec Ludivine Vetier, de 16h à 17h un conseil en soins Ayurveda avec Anne Thiel et de 17h à 18h de la chrysothérapie avec Christelle Balthazar. Voilà pour le détail des quelques conférences qu'il y aura pendant ce salon. Et voilà, et sinon, l'entrée est de 2 euros pour les adultes et gratuit pour les moins de 10 ans pour les sources du bien-être à la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Remiremont ce week-end. Et je ne peux pas parler de bien-être sans parler de sport. D'ailleurs, Lia en a fait une émission. Les foulées des barbus a lieu le dimanche 4 novembre. C'est un parcours de 6,5 km ouvert à tous les hommes, je précise. Et le départ se fait le dimanche 4 novembre, je disais, à 10h30, depuis le parc du château à Épinal. Il y a d'ailleurs une soupe servie à l'arrivée. C'est un événement parrainé par Stéphane Brognard et organisé par le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer. Pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est désormais sur place le 3 novembre de 13h à 16h30 et le 4 novembre de 8h30 à 10h15. Le prix d'entrée est de 5 euros pour les mineurs et de 11 euros pour les adultes. Les bénéfices d'ailleurs de cet événement sont destinés au comité des Vosges de la Ligue contre le cancer en faveur du dépistage du cancer de la prostate. Pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fouledesbarbus.fr. Et on a fini ce billet de sortie, donc avant la conclusion, on va s'écouter un dernier morceau. Il s'agit de On Melancholy Hill de Gorillaz et on se retrouve après pour la conclusion. Et ça y est, vous avez entendu le dernier morceau de ce billet de sortie On Melancholy Hill de Gorillaz, que j'ai d'ailleurs découvert très récemment. Donc j'avais envie de vous faire partager un petit peu ce que j'avais découvert avec vous. Et bah forcément, qui dit dernier morceau dit bientôt le moment de se dire au revoir. Et programme de la soirée et du week-end aussi, comme c'est le dernier, la dernière quotidienne de la semaine. Donc on retrouvera pour vendredi, on retrouvera à 21h Vincent pour son émission Vivre et créer la montagne. Et sinon, pas d'émission jusqu'à demain matin, 7h-8h pour la rediffusion de ce que vous avez écouté à l'instant. Je vous expliquerai dans quelques instants comment ça se passe avec les podcasts. Toujours samedi 3 novembre, dès 8h30, ce sera Les Vosges samedi avec Hélène de Radio Caraïbes Nancy. Puis à 10h, Musette partie avec Cyril Renaud. Et 19h, rediffusion du billet de sortie. Pour ceux qui veulent le réécouter, peut-être pour glaner quelques informations, il sera bien entendu en podcast avant 19h30. Vendredi soir sur notre site internet radiogemozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook. Et bien entendu, les différents protagonistes, les différents événements que j'ai annoncés seront aussi indiqués en tag sur la page Facebook autant que possible. On retourne à nos moutons, toujours dans la programmation, samedi 3 novembre, 21h, ce sera Rock à la Casbah, puis à minuit, donc ce sera dimanche matin très très tôt, rediffusion de Memento Mori de jeudi. On en arrive à dimanche 4 novembre, à 7h, ce sera Musette Party avec Cyril Renaud, puis 10h, Salut les 60 avec Gérard. 16h, J'ai aimé, je vous le lis de Dominique, et enfin pour clôturer la soirée de dimanche, dès 22h, Jazz Time de Radio Déclic avec une bonne grosse playlist de jazz. On se retrouvera lundi de bonne humeur avec un magnétiseur qui s'appelle Jean-Paul Burlet. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais bon, je suis sûre que cette émission sera très intéressante et très, très dans le bien-être. Enfin voilà, comme je le disais, pour ceux qui veulent transmettre des événements, bah, ça se passe via notre mail, hein, contact@radiogemozo.eu, et on se fera vraiment un plaisir, comme je le disais au début d'émission, de transmettre vos événements. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end en espérant que vous ayez trouvé votre compte, et on se retrouve lundi 18h. Bonne soirée et bon week-end à tous !